Le voyage de Brunhild vers Hel, ou le poème de la géante. Après la mort de Brunhild, on éleva deux bûchers. L'un pour Sigurd, il brûla le premier. Brunhild fut consumée ensuite. Elle était dans un char et couverte du drap divin, le corps de ceux qui ont succombé sur le champ de bataille. Lorsqu'elle se rendit chez Hel. On dit que Brunhild, en suivant la route de l'abîme, passa devant une maison habitée par la géante Gugach. La géante chanta. « Tu ne traverseras point les terres de mes habitations appuyées contre les rochers. Tu ferais mieux de tisser plutôt que de courir après le mari d'une autre. Comment se fait-il que la fille voluptueuse de Valand vienne dans mes demeures ? Femme parée avec de l'or, tu as noyé tes mains dans le sang humain. » Brunhild, si j'ai porté une armure fiancée des rocs, ce n'est point une raison pour m'adresser des reproches. Je serais peut-être la moins criminelle de nous deux si nos destinées étaient connues. » La géante. « Brunhild, fille de Budl, tu es née pour le mal. Tu as fait périr les enfants de Giuk et anéanti leur illustre race. » Brunhild. « Je te dirai de ce char léger que tu es fort ignorante des moyens employés par les fils de Giuk pour me priver de l'amour de Sigurd et rompre les serments qui m'avaient été faits. Le roi fit porter nos fantômes au nombre de 8 sœurs sous le chêne. Si tu désires le savoir, je te dirai que j'avais 12 hivers quand je promis fidélité au jeune roi. Tous ceux qui me connaissent dans la vallée de Lim m'appellent Hildur au casque. J'envoyais ensuite du pays des dieux vers Hel le vieux Hjelmgunnar, et je donnais la victoire au jeune frère de Eudas. Je m'attirais ainsi la colère d'Odin. Il m'enferma avec des boucliers dans le bosquet aux arbres élevés. Des cercles rouges et blancs me lièrent. Les liens du sommeil ne devaient être rompus que par un homme inaccessible à la peur. Allusion au poème de Sigurd Rifa. Odin alluma autour de ma salle, tournée vers le sud, la haute flamme qui dévaste les bois. Puis il invita le guerrier qui devait m'apporter le lit de Fafner à traverser cette flamme à cheval. Le lit de Fafner est l'or sur lequel ce serpent couchait. Ce vaillant guerrier, le dispensateur de l'or, montait grâne et se rendit dans le pays où régnait mon père adoptif. Je le distinguai au milieu des Danois. Nous dormîmes paisiblement dans le même lit. Nous ne posâmes pas la main l'un sur l'autre durant 8 nuits. Cependant, Gudrun, la fille de Giuk, m'a reproché d'avoir dormi dans les bras de Sigurd. J'appris alors ce que je voudrais ignorer. On m'avait trompé en me donnant un mari. Depuis trop longtemps déjà, hommes et femmes naissent pour endurer de nombreux chagrins. Nous allons maintenant, Sigurd et moi, jouir de la vie ensemble. Disparais, géante.